chambre d'hôpital. Une femme tremblante avorte d'une étoile et son âme est mourante. Toute la galaxie se pose sur son cœur. Seule devant l'infini, elle pleure. Vous qui avez un crucifix dans le cœur, ne jugez rien. Que savez-vous de son malheur? Des larmes qui coulent sur ses mains. Chambre froide pour si grand cœur. Vous qui avez si peu de cœur, ne jugez rien. Que savez-vous de sa douleur? Passez chemin. Elle se parle à elle seule. Cela la regarde se parler toute seule. Elle se parle. Elle va si loin en elle qu'elle touche le bout du ciel. Qu'elle se donne au soleil jusqu'au bout de l'éveil. Et la petite étoile avortée lui murmure à l'oreille. Ne sois pas triste, maman. Tu me gardes en secret au fond de tes tourments. Faut vivre maintenant. Je me suis envolé dans d'autres galaxies et je te dis merci. Merci de me garder en toi secrète pour l'éternité. Ne les écoute pas. Faut vivre maintenant. Je t'aime. Voici sage Jean ce que dit la petite étoile avortée au cœur de sa maman. Elle parle du verbe aimer. Taisez-vous. Cela ne vous concerne pas, cela ne vous regarde pas. Que pouvez-vous comprendre, puisque juge vous guide, puisque vos cœurs sont vides? Que savez-vous de sa douleur, genre de contre-douceur, genre de foudre la peur, genre moralisateur, crucifix dans le cœur, genre au cœur mercenaire, genre aux porte-prière, avec vos droits et vos droitesses, vos religions, vos tiroirs-caisses, vos gardes à vous, vos militaires, vos lois sectaires, emmerdeurs sur la terre, tous vos massacres autorisés pour innocents morts à la guerre, pour enfants mourant de misère. Toutes vos fausses aides humanitaires, la bonne conscience paye très cher. Vous avez le droit de tuer des enfants nés, et toutes ces mères, et tous ces pères qui frappent leurs gosses sans se gêner. Toutes vos écoles, vos cimetières, pour les museler vous savez faire, adultement et sûr de vous. Je sais, vous dites que je suis fou, mais regardez autour de vous. Tous ces enfants de n'importe où, prostitués, déportés et tous les jours assassinés au nom de bombardements logiques pour la patrie et pour le fric, pour toutes les idées politiques au nom de Dieu de tous ces flics. Dieu lui-même n'a-t-il pas avorté son fils jusqu'à le conduire sur la croix? Tout cela me donne la nausée et j'en appelle au verbe aimer. Sur le sable océan, et que mes mots granites revaguent au cœur de tous les gens des mots d'amour et sans dédite, pour que demain tous les enfants qu'ils viennent de naître ou qu'ils soient grands, vous chantent en cœur à fleur de sang des mots bonheur infiniment, des mots Jura, des mots Cévennes, des mots Bretagne, des mots banlieue, des mots qui circulent dans nos veines, toutes nos tendresses à fleur de mots, des mots Brésil, des mots d'Afrique, des mots du monde de n'importe où, des mots d'amour qui nous impliquent, des mots folie et porte-fou. Des mots sans moi et des mots sans toi, et des mots qui sont tellement nous. Des mots sans mise en croix et des mots sans mise à genoux. Des mots d'enfants quand ils inventent, des mots qui volent bien au-delà du temps, des années et des jours, sans écriture et sans parfait. Des mots qui vont se faire l'amour et qui se savent mots imparfaits. Alors, gens de si peu de mots, ne jugez rien en cette femme. Ce que la morale condamne, c'est l'infinie tendresse des mots. Je crie des mots d'enfant du monde, des mots soleil, des mots de l'ombre, des mots aux portes des prisons, des mots en milliards de prénoms, des mots de nature de grand fond, des mots qui vont et se défont, des mots d'amour sans illusion, des mots en milliards de prénoms. Chambre d'hôpital. Une femme tremblante avorte d'une étoile et son âme est mourante. Toute la galaxie se pose sur son cœur, seule devant l'infini. Elle pleure.